Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Jésus, tu es celui qui a vaincu la mort. Tu es celui qui est monté dans la gloire. Tu es celui qui a racheté les hommes de toutes tribus, de toutes langues. Tu es celui qui a fait de nous les sacrificateurs dans la maison du Père. Tu es celui grâce à qui nous sommes rassemblés en ce lieu. Nous sommes venus donner gloire à ton nom. Nous sommes venus reconnaître que tu es l'unique Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est pourquoi ensemble avec mes frères nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Baba bariki neno lako. Seigneur, bénis ta parole. Tujalie neema na rehema. Accorde-nous grâce. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tunapenda kushukuru Mungu. Nous disons merci à Dieu. Anayetupa pumzi. Lui qui nous donne le souffle de vie. Anayetuchunga, anayetulisha. Lui qui nous nourrit, qui nous garde. Wakati mauti kinyanyua watu wengi na kuwapeleka. En ce temps où la mort ravage beaucoup de gens. Magonjo kiharibu maisha ya watu wengi. La maladie détruit beaucoup de vies. Tumejaliwa mimi na wewe neema ya kuwa miongoni mwa wale watamsifu Bwana asubuhi ya leo. Toi et moi avons la grâce d'être parmi ceux qui peuvent louer Dieu saint et sauf. Maisha yetu ni neema tu. Notre vie n'est que fruit de grâce. Sababu vinavyoweza kuharibu maisha ni vingi vingi sana. Beaucoup de choses détruisent la vie. Shetani angependa akufunge ndani ya prison ya mauti usiwe na nafasi ya kumsifu Mungu. Le diable aimerait aujourd'hui même te condamner à la mort afin que tu ne loues pas Dieu. Lakini upendo wa Mungu umekuwa juu yako, juu yangu na umetukusanya tena mahali hapa. Acha tushangilie Bwana. Sur toi, sur moi et cet amour. Shangilie Bwana asubuhi ya leo. Acclamons très fort le Seigneur. Tumekuwa na muda mzuri mbele ya neno la Mungu. Kwa kipindi hiki ambacho tumemaliza. Nous avons eu une saison d'enseignement, d'être dans la présence de Dieu le temps passé. Na tunajua Mungu alikuwa akifanya kazi ndani ya maisha yetu. Et nous croyons que Dieu faisait beaucoup de choses dans nos vies. Kwa sababu imesemeka neno la Mungu halikuyake na lirudi bila kufanya kazi iliacha Mungu anaituma. Il est écrit dans la Bible que la parole de Dieu ne vient pas sans accomplir l'objectif pour lequel elle est venue. Ni kusema Mungu alikuwa akituita kwa maisha yenye kuwa na faida. Dieu nous appelait pour une vie utile. Kwa sababu maisha isiyokuwa na faida inakuwa na hatari nyingi sana. Une vie qui n'est pas utile connaît beaucoup de dangers. Wakati mtu anaishi ndani ya maisha ambayo hamuna faida ya Mungu. Quand tu vis et tu n'es pas utile, Mungu anasema anajuta ya kwamba hata ile udongo kwenye unaikanyanga tu occupes la terre inutilement. Dieu dit même la terre que tu occupes là c'est une de manière inutile que tu l'occupes. Même hiyo pumzi unapumua Mungu anasema unaiokipe bure kama maisha yako hauipeleke kwa kuwa na faida. Quand tu n'es pas utile, Dieu dit même le souffle de vie que tu as, tu l'as pour rien. Na hata hawa wanyama tunao wakula sababu ni maisha Mungu anatoa kama sadaka kwa maisha yetu. Même les animaux que nous mangeons. Unajua Mungu c'est le sacrifice que Dieu donne pour nous. Mungu kutu maintenir en vie. Dieu pour nous maintenir à vie. Ana sacrifie ma maisha nyingi kwa maisha zetu wanadamu. Il sacrifie beaucoup de vie pour notre intérêt. Ili tu tuishi hapa. Pour que nous vivions ici. Ni vifo ya mangombe na mangombe, vifo ya mambuzi, ni vifo ya makuku, ni vifo ya miti, ni vifo ya hivi na hivi, ni sacrifice na sacrifice. Pour que toi et moi nous vivions aujourd'hui, il y a des poules qui sont mortes, des vaches, des porcs et consorts. Beaucoup de choses ont été sacrifiées à mort pour que toi et moi nous soyons. Kile ulichokula kilikuwa na uhai mbele ya Mungu. Tout ce que tu manges avait la vie aux yeux de Dieu. Na kimekubali kutolewa kwa ajili yako wewe. Et cette chose a été consacrée à la mort pour que toi tu sois. Hivi ilibidi ndani ya mwanadamu Mungu apate faida iliyokubwa kuliko ndani ya wanyama. C'est là parce que dans l'homme Dieu a trouvé qu'il y a plus d'intérêt que dans les animaux. Ndio maana Mungu anaweza kutoa hivi vitu vyote kwa kutuchunga sisi tuwe hai. C'est pourquoi Dieu peut sacrifier toutes ces autres créatures afin que toi et moi nous demeurions vivants. Tukienda kwa hiyo kiwanja tunaanza ingia muadoration kuona upendo wa Mungu, kuona combien des fois le Seigneur nous a aimé et privilégié. Lorsque nous adorons, nous voyons combien des fois nous avions eu le privilège aux yeux de Dieu. Sisi wanadamu. Nous humains. Pasa grâce. Kwa neema yake. Paso na Mungu. Kwa upendo wake. Lakini Mungu angelipenda maisha yetu ipate kuwa na faida. Dieu aimerait que notre vie soit utile. Ndani ya Matthieu chapitre 25, dans 30. Matthieu chapitre 25, le 30e verset. Tunaoneshwa hapo soro ya mtumishi ambaye hakukuwa na faida kwa bwana wake. Ici on nous montre le sort d'un serviteur qui n'était pas utile à son maître. Utasikia langage ambayo inasemeka juu ya huyu mtu. Écoute le langage qui est dit au sujet de cette personne. Singelipenda ikue wewe na wewe haungependa ikue mimi. Je n'aimerais pas que ça soit ton cas ou mon cas. Na ikakuwa ni wewe au ni mimi, haraka tufanye shua leo tuache hii maisha ya kukua pasipo faida. Et si ça te concerne, il serait important que toi et moi nous nous repentions afin que nous devenions utiles. Ukasikia pale ku verset yake ya 28. Au verset 28, il est dit. Banaanza kutuonesha makosekansi ya maisha yenye haina faida. On commence à nous montrer les conséquences d'une vie de quelqu'un qui n'est pas utile. Un serviteur inutile. Mutumishi siyekuwa na faida. Une servante inutile. Kijakazi kisikuwa. Sikia langage Mungu anazungumuza kwa ule mtu. Écoute le langage que Dieu emploie pour cette personne non utile. Na hautaifurahia, hautapenda ikue wewe. Tu ne mérites pas que ça soit ton lot. Anasema hivi. Il lui dit. Ule alikuwa anamwambia bwana wake anampatia raporo ya pourquoi anawaza hakukua itile. Cet homme commence à se justifier pourquoi il n'a pas été utile à son maître. Alors sikia réponse ya maître wake. Écoute la réponse de son maître. 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Bwana wake kamjibu mtumishi mbaya na Mzembe. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ilibidi sehemu yangu iweke kwenye bank, ningelirudi na kuichukua na faida. Ah, Mungu kumbe uko unatubariki na unafata faida yako kwa maisha yetu. Ah, Dieu nous bénit et il cherche de l'intérêt par notre vie. Usiishi maisha yenye Mungu hana intérêt. Ne mène pas une vie pour laquelle Dieu n'a pas d'intérêt. Même entreprise usifanye yenye Mungu hana intérêt. Ne crée pas des entreprises dans lesquelles Dieu n'a pas d'intérêt. Même mariage usingie mu mariage yenye hamuna intérêt ya Mungu. Ne demeure pas dans un mariage dans lequel Dieu n'a pas d'intérêt. Pose-toi toujours la question, moi hivi yenye mimi naingia amo Mungu anaganya ndani nini? Pose-toi toujours la question de savoir dans ces dons en quoi je m'engage, quel est l'intérêt de Dieu. Une vie utile, c'est une vie qui est en partenariat avec le Seigneur. Maisha iliyo inayozaa ni maisha ambayo inakuwa na urafiki wa dhati na Mungu. Ni maisha ya ganya ganya. Ni maisha ya faidika ni faidie. Bwana anapata na wewe unapata. Le Seigneur gagne et toi tu gagnes. Acha nikuoneshe par exemple kile ambacho Bwana anapaswa kupata ndani ya maisha yako. Laisse-moi te parler de ce que Dieu peut gagner par toi. Unaweza kufanya kitu. Tu commences à faire quelque chose. Yote yenye itaitwa gloire. Tout ce qui s'appelle gloire. Mubienye ulifanya. Dans ce que tu entreprends. Haiko pare yako. N'est pas ta part. Usikamatake gloire mubiote bidye ulifanya. Dans tout ce que tu pourras entreprendre, ne umejenga nyumba nzuri. Umefanya hiki kimekuwa kizuri. Usitikake gloire. N'accepte jamais la gloire. Utajua gizi kuna yule ambaye tuko naye ambaye anapaswa kamata hii ni pare yake. Il y a celui avec qui nous marchons, Dieu qui la gloire appartiendra à partir à qui? Utukufu ni ya nani? O Seigneur, wakati wote patia Bwana sifa. Tout le temps remets la gloire. Banadamu wakitaka kukupa gloire. Quand les hommes veulent te donner la gloire. Ubaambia pana mimi sistahili gloire. Dis-leur, je ne suis pas digne de gloire. Mumupatie Bwana sifa. Remets-le à Dieu. Wakati kuna kuja baraka. Lorsque la bénédiction vient. Voilà pare yako ndio ile. C'est ça ta part. Wakati mnafanya kazi ni 50-50 mnagabula. Quand tu fais le travail, vous divisez à deux l'intérêt. Kuko vitu ambavyo Bwana hata kamata. Il y a des choses que Dieu ne prend pas. Wakati mnaleta mavazi, mnaleta hata hizi pesa, mnaleta nini, Bwana hata kula. Dieu ne mange pas l'argent, tout ce que vous amenez. Hata kamata tu gloire. Lui récupère. Alors hapa tunaona Seigneur kuna regretter sema intérêt yangu ningeipata. Et le maître est en train de dire, verset il fallait que j'aie 28. Mon intérêt. 28. Sikia sasa soro yake inaanza ya mubaya. Écoute le mauvais sort comment. Ôtez-lui le talent. Ondoi talanta yake. Kile kenye aliwaza iko deja nakyo. C'est qu'il pensait qu'il a. Wakati unamene vinyi haina faida. Quand tu mènes une vie inutile. Unahatarisha hata kenye unawaza uko nakyo. Tu mets en danger même ce que tu penses avoir. Utaweza nyanganywa. Ça te sera ôté. A commencer par ta propre vie. Wataanza kwanza kukubeba maisha yako. Inaweza kukunyanganywa. Ta vie peut être récupérée. Matthieu 3:10. Matayo 3:10. Anasema pourquoi? Kwa nini? Occupe-t-il la terre inutilement? Unashikilia udongo kwa bure. Biblia sema shoka iko tayari kukata muti enye haina faida. Acheter au point de couper l'arbre qui n'est pas utile. Tunapokosa faida tunaweza kupoteza meme kile tunawaza tuko nacho. Lorsque nous sommes inutiles, nous sommes au point de perdre même ce que nous avons. On peut récupérer ce que tu as et on le donne à quelqu'un d'autre. Lorsqu'on a pris au roi Saül son règne, son trône, on l'a donné à David. Parce que Dieu a trouvé que j'ai gagné avec David. Mais Saül gaspille inutilement ce que je lui ai donné. On nous parle d'un autre danger. On dit, ôtez même lui, celui qui c'est qu'il a. Verset 30. Makumitatu. Et les serviteurs inutiles, yule mtumishi si kuwa na jetez-les dans les ténèbres du dehors. Mumtu pendani ya giza ya nje. Hata kama alikuwa na position ya ndani. Malgré qu'il était, il avait une provision. Face yake haitabaki ndani, itakuwa nje. Malgré qu'il avait une place dans la maison, sa place sera en dehors de la na maison. Na kule nje kutakuwa vitu vitafatana, kutakuwa kulia, kutakuwa kusaga meno, kutakuwa mambo mengi mabaya. En dehors de la maison, il y aura le pleur et le grincement des dents et beaucoup de mauvaises choses. Ndani ya Hebrew 6 banatuonesha ile shamba ambayo iko initile kwa benye baliilima. Dans Hébreux chapitre 6, on nous parle d'un champ inutile. Soro yake ni malédiction. Son sort est la malédiction. Soro yake ni kukua réprouvé. Être jeté. Soro yake ni moto. Son sort c'est le feu. Alors, quoi qu'il faut, pitu bien aimé. Grosso modo, tu n'as pas choisi lutter. Nous devons lutter. Kwa namna yoyote ile. Par tous les moyens. Na kila hali yoyote inaweza kufanya maisha yetu ikue inutile. Nous devons lutter avec tout ce qui fait casser, tout ce qui peut faire casser que notre vie soit inutile. Tuko ndani ya monde ambayo inakuwa na loi ya pesanteur. Nous sommes dans un monde qui fonctionne avec la loi de la pesanteur. Wakati tunataka kupanda kuna force moyo inaturudisha toujours chini. Lorsque nous voulons monter, il y a une puissance qui nous ramène en bas. Na kuna nguvu ambazo zinapenda kufanya maisha yetu ikue inutile. Il y a des puissances qui œuvrent afin que nos vies deviennent inutiles. Or tumeitwa maisha yetu ioneshe utilité katika dimension tatu au ine. Alors que Dieu nous a appelés afin que notre vie reflète l'utilité en trois dimensions. Dimension ya kwanza maisha yetu napasha kuonesha faida kwa muumba wetu. Primo, notre vie doit être utile à Dieu. Kila mwenye pumzi. Tout celui qui a le souffle hapa kwa hii dunia, ici sur la terre, ana deni ya kukua itile kwa mwenye alimuleta hapa mwa hii dunia, a la dette d'être utile à celui qui l'a créé dans ce monde. Ndio maana anasema kila mwenye pumzi amusifu Mungu. C'est pourquoi la Bible dit tout celui qui respire qui loue le Seigneur. Mungu anangojea kwa wote wanaoishi wamupe sifa. Dieu attend de tous les êtres humains la gloire. Wakati haumupe Mungu sifa, maisha yako iko inutile. Lorsque tu ne rends pas gloire à Dieu, ta vie devient inutile. Unakula vitu ya Mungu, unafaidika pumzi ya Mungu, mais Mungu wa retour haganye kitu kwako. Tu manges les choses de Dieu, tu respires le souffle de Dieu, mais en retour Dieu n'a rien de toi. Atua ya pili ambayo tunapaswa kuone manifeste utilité. Le deuxième domaine dans lequel nous devons manifester notre utilité. Ni katika nyumba ya Mungu pour nous les croyants. C'est dans la maison de Dieu pour nous les fidèles. Tuna appartenir ndani ya royaume. Nous appartenons au royaume. Na hii royaume inapiko na maintérêts zake, iko na madefi zake. Ce royaume a des défis et nécessite des intérêts. Hii royaume iko na mabezwe zake. Ce royaume a des besoins. Haiko batu ya inje ndio batakuya kujenga ufalme wa Mungu. Ce ne sont pas les gens de dehors qui viendront bâtir le royaume du ciel. Huko bitu bienye biko exclusivité ya banye biko ba Kristo. Il y a des choses qui sont 100% exclusives aux chrétiens. Huko bitu bienye hakuna mupagano hawezi kupanda hapa ba ubiri amtaitika. Un païen ne peut pas passer ici devant vous exhorter, vous n'allez pas accepter. Iko tu yenye iko réservé ku batoto tu ya nyumba. Ça c'est réservé aux enfants de la maison. Gizi tu ko hapa tunapaswa kukua utile les uns pour les autres. Tel que nous sommes ici, nous devons être utiles les uns pour les autres. Présence yako tu inapaswa kufaidia tu hapa. Ta présence doit bénéficier à toute l'ensemble. Ndio maana tukikukosa mukilte kuko mtu mwenye hatabarikiwa jua kwa mukilte. C'est pourquoi lorsque tu n'es pas au culte, il y a quelqu'un qui ne va pas être béni parce que tu es absent. Na unapaswa kuwa na ile conscience. Et cette conscience. Il y a quelqu'un, lorsqu'il te voit à l'église, il est béni. Lorsqu'il t'écoute chanter, il est béni. Quand il te voit au poste, il est béni. Une dimension ya pile ambayo nous cherche tu quoi utile mu nyumba ya Mungu ku peuple de Dieu. Nous devons être utiles aux enfants de Dieu et à la maison de Dieu. Dimension ya tatu. La troisième dimension. Tu n'as pas choisi tu quoi utile. Nous devons être utiles. Kwa watu wa inje, wale wasio mujua Mungu. Aux gens du dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Utilité yetu ni sharti idéborder. Notre utilité doit escalader. Sharti hawa watu wasio mujua Mungu wapate intérêt au kwetu. Il faut que les gens qui n'ont pas Dieu aient leur intérêt en nous, enfants des yeux. Mimi naona wakati Pierre iko anaenda kuomba. Je vois Pierre qui est en train d'aller au temple prier. Si je alikuwa naomba Mungu nini mimi kulikuwa mtu mmoja alikuwa anaikalaa kumlango haingiake mkanisa. Mais il y avait un estorpier qui se mettait toujours devant le temple, il n'entrait jamais. Na bila sema alikuwa anatafuta à recevoir quelque chose de tout cela qui entrait à l'église. La Bible dit qu'il visait recevoir de l'aumône de tout ce qui entrait à l'église. Waliokuwa na pesa walimupa, waliokuwa na chakula walimupa. Ce qui avait de l'argent, il lui donnait, ce qui avait à manger, il lui laissait. Alijua maisha yangu na dépendre na watu wanaingia. Il savait que ma vie dépend de ceux qui sont à l'église. C'est pourquoi on n'a pas choix de réussir, c'est parce que réussite yako iko na ma répercussion kule nje. Raison pour laquelle tu dois réussir parce que ta réussite va influencer même à l'extérieur. Kuko batu bengine bana dépendre tu wakati ulibarikiwa njo batapata mkate yabo. Il y a des gens qui ne vivent qu'au détriment de toi. Lorsque tu es béni, c'est là qu'ils vont manger. Quatrième dimension à utilité et tout. La quatrième dimension de notre utilité. Qui la moyen ou tout à l'isaliwa quelque part. Chacun de nous est né d'une famille. Dania jama flani. Dans une famille quelconque. Una baba. Tu as un père. Una mama peut-être amekuwa mzee. Tu as une mère même si elle est vieille. Tunajua société et tu aleo. Notre société actuelle. Wakati mtu anakuwa mzee. Quand quelqu'un devient vieille. Iko hana tena. Iko presque inutile ku macho ya watu walio wengi. Il devient non utile aux yeux des gens. Ni watoto wanapaswa kumkamata en charge. Ce sont les enfants qui les soutiennent. Tunaona ma société zingine wanajenga manyumba ya wazee. Dans d'autres sociétés, on construit des maisons de vie. Na ni batoto banabakamata en charge ku maswa yabo ku kukula yabo. Et ce sont les enfants qui les prennent en charge. Ivi kawaida mzuri mtoto wote mzuri anapaswa kuwa na faida mjamaa yake kwenye alizaliwa. Tout bon enfant doit être utile en sa famille. Bazazi yako ni sharti bapate faida kwako. Tes parents doivent bénéficier de ce que tu as. Bakubwa badogo ni sharti bapate faida kwa quelque chose kwako. Tes petits frères doivent bénéficier de ce que tu as. Hivi kama unasaidia ndugu yako usijianorgeiri ni kawaida. Si tu aides tes familiers, ne t'enorgueille pas, c'est normal. Usipo ifanya njo inakuwa mubaya. Si tu ne le fais pas, ça devient anormal. Paul anaambia Timothée. Paul dit à Timothée. Mutu asiyejua kukamata soin ya wale walio wa jamaa yake. Celui qui ne sait pas prendre soin de ceux de sa famille. Ameikana imani. Il a renié la foi. Na yeye ni mubaya kuliko hata wapagano. Et il est plus méchant que le païen. Wengi kwa sababu ya kanisa wanasema ile nyenye ningesaidia nao jamaa yangu mimi naileta sadaka. Nombreux à cause de l'église, ils commencent à dire ce que je devais donner dans ma famille, je l'apporte comme offrande à l'église. Yesu alikataa ile. Jésus a refusé cela. Sadaka iko à part. L'église est à part. Na ile ambayo ni mapashwa yako ku jamaa iko à part. Et tes contributions, tes responsabilités habilité en famille c'est autre chose. Watoto muko humu mkumbuke wazazi wenu. Cher enfant, vous êtes ici, souvenez-vous. Wengine wazazi wenu ni wagonjwa wanahitaji kupata dawa kwa mikono yenu. Vos parents sont malades, ils ont besoin de médicaments. Wengine hawawezi hata kupata chakula watahitaji kwa mikono yenu. D'autres n'ont pas mangé, ils comptent sur vous. Na Bwana kikuinua tena zaidi. Et si Dieu t'élève encore plus. Unaweza kamata en charge bale balio bazaifu kama bale benye banataka kusoma mufamie. Tu peux soutenir même le plus faible, ceux qui n'étudient pas. Utilité multipliée. Tout ceci, c'est la multiplicité d'utilité. Nandio thème ya message ya asubuhi ya leo. Et c'est ça le thème de notre message. Conscience et lutte tenace pour une utilité multipliée. Conscience et lutte tenace pour une utilité multipliée. Tunapaswa kuwa na hiyo dhamiri. ya kwamba napaswa kuwa na faida. Prenons conscience que je dois être utile. Na pasha kuwa na faida kwa Mungu wangu. Je dois être utile à Dieu. Na pasha kuwa na faida kwa nyumba ya Mungu. Je dois être utile au temple de Dieu. Donc, absence yangu mu nyumba ya Mungu inapaswa kuwa remarquable. Il faut que lorsque je suis absent dans la maison de Dieu que les gens le remarquent. Absence yangu mu département inapaswa kuwa remarquable. Quand je suis absent au département que ça soit. Sababu niko utile mu département. Parce que je suis utile au département. Mimi siko serviteur utile mu kanisa au mu département. Pas un serviteur inutile à l'église ou dans les communautés. Niko utile mu jamaa yangu. Je dois être utile à ma famille. Na niko utile hata ndani ya muji au ndani ya mugini yangu. Je dois être utile même dans ma ville. Uka comprendre ile tunakuwa tumemaliza message. Si tu comprends cela, nous aurons fini. Alors tukakamata exemple ya Élisée. Prenons l'exemple ndani ya deux rois. Dans deux rois. Tutakamata exemple ya Élisée. Élisée. Tutakamata vile vile exemple ya ule jeune fille ndani ya Deux Rois chapitre 5. Mais aussi une jeune fille dans Deux Rois chapitre 5. Une petite jeune fille alikuwa esclave. Une jeune fille esclave. Na balimukamata ndani ya vita bakamuleta ku nyumba ya général Aman. On l'a pris en otage et elle commença à habiter dans la maison du général Aman. Alikuwa tu une petite servante dans la maison. C'était juste une petite servante. Mais très très très utile moi ile nyumba. Mais tu étais utile dans la maison. Utilité haingo epaka siku tamaliza masomo. Tu ne seras pas utile que le jour où tu finis les études. Na pasteur anaendelea kuhubiri mwa hii kanisa kwa hii madhabahu. Et notre berger continue à prêcher tous les jours à la chaire. Usikue na akili ya kungoya paka diplome ndio utaanza kuwa utile. N'attends pas que tu aies tes diplômes pour commencer à être utile. Ah, unaweza kuwa utile en état étudiant. Il est possible d'être utile même étant ni au bord de l'école. Ni quoi fonctionner de telle manière ata uko mwanafunzi, ata unaikala mnyumba ya batu, ata uko suloje uko mbali na bazazi, rends-toi utile moi ile jamaa. Cherche à fonctionner de telle manière que peu importe ta position que tu sois utile. Iko haya sana kuona par exemple jeune fille. Il est honteux de voir une jeune fille. Unakuikala kwa grand frère. Tu viens vivre chez ton grand frère. Mais moi ile jamaa hauko utile hata kwa kusukula masani. Dans cette famille tu es utile en rien, même arranger les assiettes tu es incapable. Hata mtoto analia hauwezi kusaidia kubeba mtoto. Même si l'enfant pleure tu ne peux pas le prendre le bébé. Uko tu una réclamer madroits zako za kukua petite sœur ya grand frère. Tu es là que pour réclamer tes droits. Na unaambia ule maina yako ule bibi ya mkubwa yako mie niko petite sœur mie ndio mimi na vile ndio tunafuatana tuko batatu. Et tu dis à ta belle-sœur nous sommes quatre. Dio hatukatale droit yako uko petite sœur. On ne refuse pas, oui tu es la petite sœur. Ya chef wa hii nyumba. Mais le chef. Lakini quand même na usu kuwa ta utile à quelque chose mwa hii nyumba bandu. Mais faire sorte que tu sois aussi utile dans la maison. Wewe utakuwa na kula tu haufanyaki kitu. Toi tu ne fais que bouffer et tu ne fais rien. Ma maman, munaweza furahia mtu wa vile. Chère maman, pouvez-vous aimer une fille comme ça? Hautafurahi. Tu ne vas pas aimer. Bien aimé, tu n'as pas à tout lutter pour que tu sois utile à quelque chose. Faisons tout afin que nous devenions utiles en quelque chose. De telle manière, si tu t'attends à mon jamaa, bah quoi, na kukumbuka, kusiba, ah, angekuwa hapa, kama amefanya hivi, ah, angekuwa hapa, oh, angekuwa hapa, oh, angekuwa hapa. Soyons utiles jusqu'au point où le jour où tu pars, que l'on se souvienne de toi. Unajua kuna watu wengi. Il y a beaucoup de gens. Hata siku yao ya kufa. Même le jour de leur mort. Communauté habali yake na habaregretake. Les gens ne pleurent pas. Kuna watu wengine hata anapokufa. Lorsque cette personne meurt. Watu wanasema ah aende bwana. Et les gens disent ah il a bien fait. Aende alikuwa anasumbua watu. Alikuwa anafanya basi hata nini? Qu'est-ce qu'il faisait? Donc watu wanakukumbuka tu kwa ile mizigo, kwa ile magumu, kwa ile. Hakuna kizuri kile wanakukumbuka. Il y a pas de bons souvenirs que les gens ont de toi. À la mort de Dorcas. Lorsque Dorcas est mort. Watu walikuwa na souvenir ya Dorcas. Les gens avaient un bon souvenir. Maisha ya utilité, même après la mort, on doit brandir quelque chose. Lorsque tu as été utile dans la vie, même lorsque tu meurs, les gens se souviennent de toi. Pose-toi la question, si toi tu meurs aujourd'hui. Demande-toi, au kakufa leo. Bata kukumbukia kunini batu. En quoi on va te souvenir de toi? Merci. Dieu a président Magufuli, paix à son âme. Paix à son âme, le président Magufuli de Tanzanie. Même hapa tuna regreté. Nous regrettons. Tunasema Mungu tupe meme president kama huyu. Et nous disons Seigneur, si on pouvait avoir un président comme ça. Dans 6 ans, amejenga ma aeroport. Il a construit des aéroports. Amenunua ma avio ya mupya. Il a amené des avions. Ameuza ma TVG imatre ya bulaya ya rapide. Il a amené des TVG. Ameleta courant mu capital. Le courant est venu dans tout le pays. Amefunga matio ya bwizi ya maor, ma bwizi yote ya mu service ya l'état. Il a combattu les vols et la corruption. Plus de 100 hôpitaux mu 6 ans. Dans 6 ans, plus de 100 hôpitaux. Gratuité à ma somme. La gratuité de l'enseignement. Na unaona gizi batu biko bana mulia. Voyez-vous comment le plaît même au Congo? Parce qu'il a été utile. Na huyu jeune fille ambaye namzungumzia. Et la jeune fille dont je parle. Dans 2 Rois chapitre 5. Dans 2 Rois chapitre 5. Alikuwa servante dans la maison. N'était qu'une servante dans la maison. Esclave de statut. Il était esclave. Lakini utilité yake ilikuwa. Mais elle était utile. Yeye alikuwa na transmettre message kwa mama. Elle a transmis le message à la maman. Huyu chef wangu, huyu mkubwa wa nyumba. Mon seigneur. Avec toute sa gloire, avec tous ses titres. Avec toute la grandeur. Lakini yeye ni mukoma. Il est le prêt. Akaenda kule Samaria kuna prophète atamsaidia. S'il va en Samarie, il y a un prophète qui va l'aider. Na message kidogo ya huyu mtoto. Et le petit message que il change l'atmosphère ya nyumba. A changé l'atmosphère de la il maison. Il change maisha ya watu wa hii nyumba. A changé la vie des gens. Il leta guérison kwa huyu baba. A apporté la guérison il leta uzima kwenye kifo ilikuwa. A apporté la vie là où la mort régnait. Batoto mnapoikala mu manyumba. Cher enfant, quand vous restez dans vos Musikuwe maisons. Musikuwe tu ndani kama ba dependa ba kupokea tu kupokea Minerval, pokea makuta ya sabuni, pokea hiki. Si uombea tabale wenye huko na pokea yako, ukweta na faida kwa kuombea. Ne soyez pas dans vos maisons chers enfants comme des consommateurs éternels. Unaweza kuwa mwa ile nyumba kama intercesseur. Tu peux être l'intercesseur de la maison. Unaweza kuwa mwa ile nyumba kama mwenye kupana mfano mzuri kwa watoto wa hiyo nyumba kwenye unaikaa. Tu peux être l'enfant modèle dans la famille. Na hii itakuwa utilité yako inaonekana. Et ça sera ton utilité. Alors bien-aimé. Message yetu iko ndani ya 2 Rois chapitre 2. Notre message est focalisé sur 2 Rois chapitre 2. Tunaweza kusoma ku premier verset. Nous allons lire le premier verset. Paka 4. Jusqu'à 4. Et puis tout à kamata 10 à 14. 10 à 14. Karibu. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils de prophète qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais. Aussi taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera point. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber Et il en frappa les eaux et dit, où es-tu? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Tunaona hapa Élisée. Ici nous voyons Élisée. Amepata neema ya kuitwa. Il a reçu la grâce d'être appelé. Kwa kuwa na faida tena zaidi. Afin qu'il soit plus utile. Nataka niseme katika maisha yetu. Dans nos vies, vyote tunafanya. Tout ce que nous faisons. Avina valeur moya. N'a pas la même utilité. Kuna vinye viko na valeur kuliko vingine. Il y a des choses qui ont de la valeur plus que autre chose. Na ni sharti wakati tunapoingia ndani ya Kristo. Il faut que lorsque nous entrons en Christ, tutambue iliyokuwa valere nye tumepata wakati tumemuitika Yesu kama Bwana na Mwokozi. Que nous sachions la valeur que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur. Sababu utilité inafatana na ulikutana na nani ndani ya maisha. Ton utilité dépend de qui tu as rencontré. Unaweza kuwa haukukuwa na utilité. Ça peut être que tu n'as pas. Lakini unakutana na mtu ambaye atakusaidia kuweza kukua na faida. Mais tu rencontres quelqu'un qui t'amènera à être utile. Hii ndio uko natuelezea hapa inyeli pitikana kati ya Eli na Elize. C'est ce qui s'est passé entre Eli et Elize. Elize alikuwa akifanya kazi zake za kuchunga ngombe. Elize faisait ses travaux de na kulima. De cultiver. Na akaitwa na Eli. Il a été appelé par Eli. Kwa sababu kulikuwa faida kubwa Mungu alikuwa anamtayarishia pembeni ya Eli. Parce qu'il y avait une forte utilité que Dieu préparait pour Élisée aux côtés de Eli. Ndio maana ndugu dada. C'est pourquoi frères et sœurs. Katika domaine yoyote ile. Dans tous les domaines. Ni sharti ujue Elia gani Mungu ameweka mbele yako. Cherche à savoir quel est l'Eli que Dieu a placé sur mon. Mtu yule ambaye anakutayarisha, mtu yule ambaye anakusaidia maisha yako. Cette personne qui te prépare, qui te forme. Ipate tena faida zaidi. Afin que ta vie devienne plus utile. Kwa sababu wale Elia Elisha angebaki ule ule wa zamani bila Elia. Si Élisée pouvait demeurer Élisée sans Eli. Maisha yake haingejulikana gizi imejulikana leo. Sa vie n'allait pas être reconnue comme nous le connaissons aujourd'hui. Na Elisha alijua Elia Mungu amemuinua kama maître wangu kama coach. Ambaye ananisaidia kwa hii maisha ambayo nimeitwa kuwa na faida zaidi. Élisée a su et a reconnu que Dieu a élevé Élie afin qu'il soit mon mentor en cette période. Na alikuwa tayari kukaa kama mwanafunzi, kama disciple. À se soumettre comme disciple. Hakuna ubaya kukua chini ya mtu yoyote yule ambaye Mungu amekupa kama Eli atakaye kutayarisha kwa faida zaidi. C'est pas mauvais de demeurer disciple d'une personne que Dieu a placée devant toi comme ton Eli, ton mentor. Watu walio na kiburi watapoteza wa Elia wa maisha yao. Ceux qui sont orgueilleux vont perdre les Eli de leur vie. Na ndio maana elevation inapingana na orgueil. C'est pourquoi l'élévation est contre l'orgueil. Dieu n'élève jamais les hommes orgueilleux. Mungu hainua que watu wenye kiburi. Kwa sababu Elisha alikubali kushuka. Parce que Élisée a accepté. Na Mungu alianza kutangeneza maisha yake kwa ajili ya kuinuka. Dieu a commencé à façonner sa vie pour qu'il soit élevé. Hivi kitu ya kwanza ambacho unapaswa kushika. La première chose que nous devons retenir. Unahitaji mtu ambaye anakuwa na experience zaidi, yule ambaye atakutayarisha kwa ile maisha ambayo Mungu amekuitia, kwa ile faida Mungu amekuitia. Tu as besoin d'un mentor qui va te façonner, te préparer dans le domaine pour lequel Dieu t'a appelé. Kila domaine yote ile. Chaque domaine. Kuna watu wazuri Mungu amekutayarishia. Dans chaque domaine, il y a des bonnes personnes que Dieu t'a préparé. Ufanye kama Eli ujiatache na wale watu. Fais comme Élisée, attache-toi à ces gens. Biblia sema alikuwa Eli alikuwa anamwambia bakia. La Biblia dit que Eli disait à Élisée. Lakini Elisha hajabakia, hajamwacha kamwe. Mais Élisée disait je ne peux jamais te laisser. Ilikuwa hatua na hatua miji na miji. Elisha alisema sitakuacha. Ils ont traversé des villes et des villes mais Élisée disait je ne te quitterai point. Wengi wetu wanapata kikwazo kwa wa leader wao, kwa wa coach wao na wanawaacha. Nombreux peuvent être choqués par leur mentor et ils disent je te quitte. Nchia hii ya utilité ni nchia ya sacrifice, ni nchia ya kujishusha, ni nchia ya kukubali kuambatana na yule ambaye unajua huyu Mungu ameweka kitu kwake kwa ajili yangu. Le chemin qui mène à l'utilité, c'est un chemin qui nécessite l'endurance, la persévérance, l'attachement au mentor. Fikiria huyu Rute angekataa kuambatana na Naomi. Regardez si Ruth pouvait refuser de s'attacher à Naomi. Dans l'apparence, Naomi hakukua na kitu ya kumpatia. Par la vue, Naomi n'était pas impressionnant, n'avait rien à donner. Matériellement, alikuwa hana kia kumpa. Sur le plan matériel, Naomi avait rien à donner. Kanisa, acha nikuambie. Église, laisse-moi te dire. Hauhitaji tu vitu matériel. Tu n'as pas besoin que des choses matérielles. Kanisa, nisikilize. Église, écoute. Ndani ya maisha, dans la vie, ya kukua na faida. Qui amène hautapokea tu vitu materiel. Tu ne recevras pas que des choses matérielles. Utapokea vitu vingine viko mulo ya kiroho. Il y a des choses que tu recevras qui sont spirituelles. Na ni hivi vita déclencher vile vyenye unahitaji matériel. Et ce sont ces choses là qui vont déclencher le matériel. Maisha yote ya Rite ilikuwa ndani ya maisha ya huyu Naomi. Rite a confié toute sa vie à Naomi la veuve. Une pauvre veuve mwenye hana tena kitu, hana mtoto, hana kitu. Une veuve qui n'a rien comme richesse, qui n'a même pas d'enfant. Lakini alikuwa na kitu, alikuwa na mupa. Mais elle avait une chose qu'elle donnait à Rite. Est-ce que unajua kile ambacho unapokea, par exemple, unapokuja ndani ya kanisa kama hili? Lorsque tu viens à l'église comme aujourd'hui, est-ce que tu reconnais ce que tu reçois? Sasa zingine mchungaji hana pesa ya kuwapa. Le pasteur n'a pas l'argent à vous distribuer. Lakini kuna zaidi ya pesa iko anakupa umu. Mais il y a quelque chose qui dépasse l'argent qu'il te donne ici. Uwe mtu wa imani, uwe mtu wa rohoni wa kupokea vitu vyako muforma kiroho. Il faut que tu sois spirituel et que tu aies la foi pour recevoir tes choses qui sont en formant spirituel. Sababu vile vilivyo katika roho ndio vitasema manifeste ndani ya mwili. Ce sont des choses spirituelles qui portent chair et qui se manifeste physiquement. Wakati Mungu alipenda kutuokoa. Lorsque Dieu a voulu nous sauver. Alituma neno lake kama neno lake kwa Maria. Il a envoyé sa parole à Marie. Na hii neno ndio ilivala mwili. C'est cette parole qui a porté chair. C'est la parole que vous écoutez ici. Cette parole que nous écoutons. Et itavala mwili. Va porter chair. Itakuwa kazi. Itakuwa mariage. Ça sera ton mariage. Itakuwa exaucement. Ça sera ton exaucement. Itabrize baadui wenye wamekusimamia. Ça va renverser tes ennemis. Hivi usifikirie tu kusema tu es physique. Ne pense pas que toutes tes victoires sont physiques. Pierre alisema. Pierre a dit. Je n'ai ni l'or. Je n'ai ni l'or. Je n'ai ni argent. Ni argent. Mais ce que j'ai. Qu'il est l'ilichonacho. C'est maté ici. Je vous le donne. Mupokee kwa jina la Yesu. Kenye Bwana alinipa niwapatie kwa jina la Yesu. Mupokee, mupokee. Kenye mnahitaji mupokee kwa jina la Yesu. Sababu vyote haviko tu kimwili. Recevez l'exaucement à vos requêtes. Tout n'est pas physique. Yote haviko tu kimwili. Tout ne commence pas physiquement. Wakati Eli alitaka kwenda alimwambia mtoto uniombe nikupe. Lorsque Eli a voulu partir, a dit à Élisée, demande ce que tu veux, je vais te donner. Ingelikuwa hii génération. Si c'était cette génération. Angelimwambia nipe ile koti yako. Eli pouvait dire donne-moi ta veste. Angemwambia nipe ile shamba yako. Donne-moi ton champ. Élisée alimwambia. Élisée a dit. Nipe. Donne-moi. Double portion. La double portion. Ya ile roho yenye ilikuwa juu yako. De l'esprit qui marche avec toi. Yenye ilifanya ukue mtu wa faida kwa hii nation. L'esprit qui a fait que tu sois utile en cette nation. Yenye ilifanya una briser ba faux prophètes mwa hii nation. Cet esprit qui t'a amené à renverser les faux prophètes. Yenye ilifanya una ramener Israël à son Dieu. Cet esprit qui t'a fait qui t'a poussé à mener Israël à Dieu. Mina penda na mimi kuwe utile. Je veux être utile. Unaona huyu kijana alikuwa analite juu ya utilité yake. Ce jeune luttait pour qu'il soit utile. Aliambatana na huyu mtu. Il s'est attaché à cet homme. Pour que atteindre utilité yake. Pour qu'il atteigne son utilité. Bien aimé, unapaswa kulite. Tu dois tout faire. Maisha yako ikuwe na faida. Pour que ta vie devienne utile. Hata kama Mungu amekutia pembeni ya mentor. Même si Dieu te place près du mentor. Kuna bei ya kulipa. Tu dois payer un prix. Yote haviko tu bure. Tout n'est pas gratuit. Utalipa lipa bei. Tu vas payer le prix. Ili ufikie kwa kile kenye Mungu amekutarishia. Pour que tu atteignes ce que Dieu a prévu pour toi. Bien aimé, tunajua hapa Mungu alimpatia huki jana double. Double portion. Nous voyons comment Dieu a donné à Élisée la double portion de l'esprit qui marchait avec lui. Maana gani? C'était utile en quoi? Ilikuwa namuonesha kwamba c'est lui le successeur de Élie. Et cela montrait que c'est lui qui va succéder. Bien aimé, le Seigneur est en train de préparer les successeurs dans tous les domaines de la nation. Dans tous les domaines de la vie du pays, Dieu prépare des successeurs. Mon domaine yote même un ministère, mon domaine zote Mungu qu'on a préparé ba Élisée. Même dans le ministère, Dieu prépare des Élisées. Les hommes et les femmes qui vont aller au-delà de leurs parents. Ces hommes et femmes qui vont dépasser leurs parents et mentors. Ni huruma kwa generation yetu. C'est malheureux pour cette génération. Kama baba alijenga nyumba moya. Si ton papa a construit une maison. Na akili yote ya batoto. Et toutes les pensées des après enfants. Après la mort de son père. Ne voit que. Ni kugabula kaka nyumba moya amo bumba pande bipande. Diviser cette parcelle de papa en différentes portions de terre. Iko mauvaise manière ya kufonctionner. C'est une mauvaise manière. Kwa nini mtoto hawezi omba Mungu? Pourquoi enfant tu ne peux pas kama Dieu? Baba alijenga nyumba moya. Si ton père a construit Mungu une maison. Nipe nguvu nijenge nyumba tano. Tu dis Dieu donne-moi la capacité de construire. Mungu nipe nguvu ya kufanya zaidi ya baba yangu. Donne-moi affaire au-delà de mon père. Hii ndio utilité ambayo Mungu anatungoja nayo. C'est l'utilité à laquelle Dieu nous attend. Hii arche. Église arche. Hata wakati ambapo peut-être après quelques années sie tunaweza kuwa generation tutakuwa haiko. Après quelques années nous allons passer, nous ne serons pas là. Nyinyi ambao mtabakiaka na hii kanisa. Vous qui allez rester avec nous. Mkuwe na capacité. Soyez capable. Ya kupeleka hii kazi au-delà ya kwenye sie tuliacha. Amenez cette œuvre au-delà. Hapana kuibomola. Ne détruisez pas. Hapana kuirudisha nyuma. Ne les rétrogradez pas. Lakini kuifanya maradufu. Mais multipliez-les. Hii ndio itakuwa utilité yenu. C'est ça votre utilité. Batoto benye muko umu. Enfant qui muombe Mungu mufanye au-delà yenye bazazi yenu balifanya. Demandez à Dieu de vous amener à faire plus que vos vous parents. N'êtes pas limité, hamuko tu obligé kubakia kwa ile ile niveau ya bazazi. Ne vous limitez pas pour vous marteler au point où les parents se sont limités. Eli hakuomba ile, Élisée hakuomba ile. Élisée n'a pas demandé cela. Eli alifanya miracle 8. Eli a fait 8 miracles. Na Élisée alifanya 16. Mais Élisée en a fait. Quelqu'un doit demander à Dieu pour dire Seigneur, je dois aller au-delà. Tu dois demander à Dieu d'aller au-delà. Je dois aller au-delà. Demande à Dieu d'aller kama au-delà. Si nous vous avons mis au monde, kutushinda. Prêchez plus que nous. Kama tumebazala. Si nous vous avons mis au monde, mbali ya kwenye si atukwenda. Allez au-delà de ministère yenu yende kwenye si atukwenda. Que vos ministères aillent plus loin. Muganye venye si atukuganye. Gagnez ce que nous n'en avons pas gagné. Muende kwenye atukwenda. Arrivez là où nous sommes arrivés. Ili baraka niko nabapatia. Nye muende kwenye atukwenda. Allez là où nous sommes arrivés. Nye mupokee venye atukupokea. Recevez ce mufanye venye si atukufanya. Nye mufanye au-delà. Faites au-delà. C'est cette grâce. C'est ce que vous devez demander. Recevez cette grâce. Il est aussi la double portion à Bazaz. La double portion des parents. Il est roi que Dieu estone. L'esprit qui est si restaure. Nous nous naomba au-delà. Vous devez aller au-delà. Kwenye mission haikufika na bababa yenu, nyie mutaifikisha. Là où vos parents n'ont pas fait arriver la mission. Arche haifika Europe, nyie muipeleke Europe. Arche n'est pas en Europe. Arche haifika Afrique du Sud, nyie muende Afrique du Sud. Afrique du Sud arrivée. Hatuya nunu avion. Nous avions, nous avions. Nous n'avons pas acheté les avions. Nous vous faisons un exploit. Faites les exploits. C'est ce que vous devez demander. Demandez cela. Yote na dépendre na kini munaomba. Ina dépendre na nini munaomba. Tout dépend de quoi vous demandez. Kwa kumaliza acha ni wapatie quelques conditions. Pour clore, je vous donne quelques conditions. Pour être utile à Dieu. Qui vont vous amener à être utile à Dieu. Pourquoi ma condition à remplir. Il y a certaines conditions. Nous devons remplir ces conditions-là. Nous devons les remplir. Pour que tu sois utile kwa Mungu. De Timothée chapitre 2. Nous voyons de Timothée le deuxième chapitre. Tunaona pale ma condition yenye ta rendre utile à notre Dieu. Là nous voyons quelques conditions qui nous rendent utiles à Dieu. Valeur ya utilité katika kazi ya Mungu, katika nyumba ya Mungu. Ce qui fait qu'un serviteur soit utile dans la maison de Dieu. Pour son Dieu. awe na samani wa mafaa katika nyumba ya Paul alitupatia hapa tableau flani. Paul nous a tracé un tableau. Ndani ya 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Chapitre 2 le 20e verset. Dans une grande maison. Ndani ya nyumba kubwa. Grande maison comprenez la chrétienté, comprenez les royaumes de Dieu sur la terre hapa. Tunaposema nyumba kubwa tunaona watoto wote wa Mungu. Wewe uko ndani, mimi niko ndani ya ile grande maison. Toi et moi faisons partie de la grande maison. Ba Kristo benye ba mekomala, ba Kristo ba mupya biko ndani ya ile grande maison. Les chrétiens matures et les chrétiens non matures. Ba Kristo benye ba na jitakasa, ba Kristo benye ba na jichafula biko ndani ya ile grande maison. Les chrétiens qui sont purs et les chrétiens qui sont souillés. Ba Kristo benye ba na ogopa Mungu, benye ba ogope Mungu biko grande ya ile grande maison. Les chrétiens qui craignent Dieu et ceux qui ne les craignent pas font partie. Sikiliza sasa ce qu'il y a dans cette grande maison. Écoutez ce qu'il y a dans la grande maison. Dans la grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y a aussi des bois et des terres. Kuna vile vile vyombo vya les uns sont des vases d'honneur ni vyombo vya heshima, et les autres sont d'un usage vil. Na wengine hawana mafaa kabisa. Verset 21, sikia ma condition. Verset 21. On a posé ma condition au verset 21. On donne des conditions au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pire, kama, première condition. Kama mtu anajifanya kuwa safi, shurti la kwanza. Deuxième condition, à s'abstenant de ces choses. Ibabitu wanaisema pale yulu. Akijitenga na mambo. Il sera un vase d'honneur. Atakuwa chombo cha heshima. Sanctifié. Takatifu. Utile à son maître. Kinachofaidia Bwana. Utile à son maître. Kinachofaidia Bwana. Propre à toute bonne œuvre. Safi kwa kila kazi njema. Valeur ya mutumishi wa Mungu. La valeur d'un serviteur de Dieu. Valeur ya vase yenye Mungu atautiliser. La valeur d'un vase que Dieu va utiliser. Il a dépendre na bitu mbili. Dépend de deux choses. Kitu ya kwanza. Ce qui fait ta valeur premièrement. Ni retiré na système yote ya mubaya ya ma impureté ya machafuko. C'est se retirer de tout système d'impureté. Kujua kujitenga. Savoir se mettre à l'écart. Bien aimé, usiingie mu n'importe kila ushirika wowote ule. Ne t'engage pas dans n'importe quel, dans n'importe quoi. Katika n'importe quel urafiki wowote ule. Dans n'importe quelle amitié. Valeur yako itapunguka. Ça va diminuer. Valeur ya pili ya chombo ambacho Bwana ataitiliser. Ce qui fait la valeur du vase deuxièmement. Ni le capacité ya se purifier. C'est ta capacité de te rendre pur. Le Seigneur n'utilise jamais les choses sales. Dieu n'utilise pas ce qui est impur. Atana si kwa nyumba yetu. Même nous à la maison. Ça unataka kupakula chakula. Lorsque tu veux apporter la nourriture. Eh ba mama, condition ya sahani yenye tapia kumeza ni nini? Quelles sont les conditions des assiettes? Ni yenye ilipita ku lavage. L'assiette qui a été lavée. Yenye ilisukuliwa qui a été. Njoo zenye ziko sasa qualifiées zitaenda kumeza. Sont là les assiettes. Hizi sahani zingine za buchafu buchafu. Les assiettes sales. Hazia sukuliwa. Qui ne sont pas lavées. Kule nje kabisa. Sont bageni, papa hataona. Papa ne va pas voir ça. Watoto wa Mungu. Enfant de Dieu. Tunataka tukue itile. Voulons-nous être utile? Ndani ya hii nyumba kabambe ya Mungu. Dans la maison de Dieu, la grande maison. Sikiliza condition. Écoute. Unataka Mungu akutumie. Veux-tu que Dieu t'utilise? Kwa faida. Kwa makazi zenye Mungu alitayarisha. Pour les multiples travaux que Dieu a préparés pour toi. Kwa faida mbalimbali. Pour que tu sois utile dans différents domaines. Iwe kwake yeye Mungu. Que ça soit pour Dieu. Iwe mkanisa. Dans l'église. Iwe pale nje. À l'extérieur. Iwe mujama yako. Dans ta famille. Condition ndio hii. Voici les deux conditions. Se purifier. Te rendre pur. Se purifier. Te rendre pur. Verset 19, Paul anasema. Au 19e verset, Paul dit. Paul anasema hivi. Paul dit ce qui suit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Kanisa, tunataka Mungu atutumie, tujue kujieloigne na iniquité, na injustice, ya forme zozote, na machafuko iko mwa hii dunia, na machafuko yenyewe inaingia timu nyumba ya Mungu. Nous voulons que Dieu nous utilise, Église. Éloignons-nous de l'uniquité, de toute forme de souillure qui envahit l'Église. Wakati tuna rempli les conditions, et lorsque nous remplissons ces conditions, tout à quoi va vase et n'est à quoi utile. Nous deviendrons des vases utiles. Utaendelea kumeditate utaona combien de fois Élisée alikuwa utile. Tu vas continuer à méditer, tu verras combien de fois Élisée était utile. Ya kwanza tunaona aliweza kusaidia watu walikuwa na souffrir ndani ya mugini. Premièrement, il y a des gens qui souffraient dans la ville. Angalia hii souffrance iko ndani ya hii nation. Regarde la souffrance qu'il y a. Est-ce que le Seigneur hatapata watu humu benye atautiliser kwa kualléger hii souffrance, kuconsoler souffrance iko mwa mugini? Dieu ne va-t-il pas trouver des gens qu'il va utiliser pour consoler la souffrance de la ville? Peuple bali mwambia Élisée, ce jour iko mzuri mais humu maji ndio mubaya. Kifo mai tunakunywa inatuletea kifo, inaleta stérilité. Le peuple a dit cette ville elle est bonne. Mais l'unique problème que nous avons, c'est de l'eau. Ceux qui boivent cette eau deviennent stériles. Ils n'ont pas la vie. Et Dieu a utilisé Élisée pour détruire la mort, pour détruire même la stérilité. Que le Seigneur t'utilise pour apporter quelque chose dans ta famille, dans la nation. Que tu sois utile, ou quoi, multi, ou quoi, utile partout kwenye utaenda, ou quoi, muti ya muhogo, kama iko Goma, kama ni wapi, kwenye utaenda, faida yako, ikue pale, ou manifeste faida yako. Acha Mungu, atubariki Mungu, abariki peuple yake, Mungu, atutende mema. Qu'il nous fasse du bien. Nous avons besoin d'être utile. Lakini Bwana anatuomba tukue safi. Mais Dieu demande que nous soyons purs. Tuombe Mungu kidogo. Nous voulons prier Dieu. Safi, safi kweli. Safi, safi kweli. Unioshe, unioshe katika damu nipate kuwa safi kabisa. Bla bla plus que la neige, bla plus que la neige. Le pasteur Richard va prier pour nous.